à mon papa. À mon papa. Et ma maman. Et ma maman. Je voudrais dire. Je voudrais dire. Tout doucement. Juste en passant, que je les aime, que je les aime encore plus grand que les câlins, que les câlins, les doux baisers, pour pardonner et consoler. Quand je serai grand, quand je serai grand, on ira voir le prince charmant de tes histoires, le marchand de sable, le petit poucet.